Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Zik Actu, votre magazine d'actualité musicale. Et une fois encore, je vous propose une émission un peu particulière car je ne suis pas tout seul, cette émission sera animée en binôme avec Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir tout le monde, bonsoir Gaël. Eh ben Mickaël, bienvenue déjà dans les locaux de RDB, Radio des Routières, je pense que c'est la première fois que tu viens, merci d'être venu d'aussi loin. Merci de m'accueillir. Et oui, parce que Mickaël est quand même originaire du Puy-de-Dôme, de Clermont-Ferrand. Et fier de l'être. Et fier de l'être, c'est pour ça que j'en parle, je sais que ça t'importe. Donc voilà, vous avez des intervenants incroyables qui viennent de tous les coins de la France sur l'antenne de Radio des Boutières. Je rappelle le principe de l'émission, tu vas commencer par passer un titre de ton choix, et moi je devrais rétorquer par un titre qui a un lien, peu importe lequel, le pays, la langue, l'ambiance. Faut que je me débrouille avec tout ça, et je pense que ça va pas être simple. L'idée, c'est de faire venir un peu des intervenants d'univers différents, et donc l'univers de Mickaël, on va le découvrir tout de suite, enfin, une partie de son univers, bien entendu. Avec quoi ? Qu'est-ce que tu nous proposes pour commencer ce ping-pong musical ? Alors, on commencera par écouter une chanson d'une chanteuse d'Azerbaïdjan qui s'appelle Sevda Alekperzadeh sur un morceau qui s'appelle Elle est d'aimer. Thank you. saldı bu düzlere Məni saldı bu düzlere Merci Mickaël, c'est magnifique. Déjà pour commencer cette émission, t'attaques très fort. Donc on vient d'écouter Sevda Alekperzadeh avec un titre qui s'appelle Elle Deme. Je ne saurais pas trop prononcer le nom des morceaux de ce soir, je pense. Mais donc là, on se situe en Azerbaïdjan. Alors, tu peux nous en parler un peu ? Oui, alors c'est une musique moi, que je trouve très intéressante parce qu'elle mélange l'univers de la musique traditionnelle de ces pays, en tout cas alentour de l'Azerbaïdjan, notamment l'utilisation d'instruments traditionnels comme le kamancha, qui est une sorte de violon qu'on joue sur les genoux. Ce qui est intéressant dans cette musique, c'est que voilà, elle fusionne un peu avec l'univers du jazz plus occidental, voilà, que je trouvais très intéressant. Et tout à fait, et vraiment elle a une voix magnifique, ouais. Et le moment où le violon prend la suite sur sa voix, là, c'est assez incroyable, et on se faisait la remarque que ça ressemblait plus à un instrument avant, alors qu'en fait c'est une sorte de violon, quoi. Ouais. Et c'est super chouette, bah, merci beaucoup. On est donc en Azerbaïdjan, alors on est juste à l'est de la Turquie, donc à côté aussi de l'Arménie et de la Géorgie, et juste en dessous de l'Azerbaïdjan, il y a l'Iran. Moi je vais retourner un peu du côté de la pop pour vous passer un ami parisien qui est en train de produire un nouvel album qui s'appelle Tornado. Donc cet ami s'appelle Reza, donc il est d'origine iranienne et il fait de la folk, vraiment dans la tradition folk, mais avec plein d'influences et puis une voix incroyable. Je vous passe donc le morceau Room. Ah, je vais pas lire en anglais. 502. Et donc c'est de Reza. Down like the dead. shave up my head. A shot in the arm and I'll see the stars. Oui, donc c'était un morceau de Reza Tornado. Alors c'est Reza, juste le nom de l'artiste, et Tornado ça sera le nom de son album. Ah oui, autant pour moi. Et donc le titre c'était Room 502, on dirait, je pense, un truc comme ça, 502. Et du coup ça permet de parler de cet album qui est en financement participatif, et alors au moment où je parle, il est toujours pas... Enfin, il est toujours possible de participer pour financer l'album. Au moment où sera diffusée cette émission, il sera probablement déjà sorti. Mais voilà, toujours est-il que vous pouvez aller sur le site Microculture et chercher Reza, R-E-Z-A, et puis à partir d'un euro, vous pouvez avoir plein de récompenses possibles, l'album en MP3, et puis des objets d'artisanat assez chouettes tirés du graphisme de l'album. Je trouve que c'était une bonne idée. Du coup, peut-être que ça sera l'occasion de diffuser. Finalement, cette émission, je vais peut-être la diffuser pas trop tard, histoire de pouvoir que les gens puissent participer à ce financement. Et donc, toi, ça t'évoque quoi alors, Reza? Je suis désolé, on est passé directement d'Azerbaïdjan à de la folk, de Paris, mais Reza étant d'origine iranienne, je me suis débrouillé comme j'ai pu. J'avais envie de le passer de toute façon. Très bien. Donc, du coup, on va rester juste sur ses origines iraniennes, et puis on va partir dans un pays voisin qui s'appelle l'Arménie, sur un morceau qui s'appellera Garoun A, par l'ensemble Esperion 21, dirigé par Jordi Saval. Thank you. Et c'était donc Garun A, et un chant traditionnel arménien dirigé par Jordi Saval. Du coup, bon, on va faire un peu des grands écarts ce soir, je crois. Et je vais peut-être arrêter, hein, mais là, quand même, la tentation est trop forte. Et c'est pareil, j'aurais peut-être pas trop l'occasion de passer du System of a Down à un autre moment. Et il se trouve qu'ils sont tous d'origine arménienne. Bon, certes, ils habitent en Californie, c'est un groupe californien, mais ils sont d'origine arménienne. Et ils sont très engagés, notamment pour la reconnaissance du génocide arménien. Du coup, je vous passe un morceau issu de leur premier album qui s'appelle sobrement System of a Down. Et le morceau s'appelle War. Avant, peut-être, tu voulais peut-être préciser quelque chose sur le morceau d'avant ? Non, à part à la limite, pour faire découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas l'instrument avant, qu'on entendait dans le morceau précédent, ça s'appelle le doudouk. Et c'est un instrument typiquement arménien. Ça, au moins, c'est facile à retenir, le doudouk. Et donc, il n'y aura pas de doudouk dans le prochain morceau de System of a Down qui s'appelle War. Donc c'était un morceau de System of a Down qui s'appelle War. Donc on va continuer encore le grand écart parce que là j'aurais du mal à rebondir là-dessus. Oui, c'est pas évident, mais je tiens quand même à signaler que c'est un groupe complètement pacifiste avec vraiment des idées pacifistes. Et là la thèse c'était juste de dire on parle pas assez de la guerre et il faut voir les choses telles qu'elles sont et dans un but pacifiste. C'est pas parce qu'on fait une musique violente qu'on est violent. Oh, j'ai pas dit le contraire. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que ça t'évoque finalement, toi, System of a Down, Mickaël ? Alors, ça m'évoque pas grand-chose, à vrai dire, mais je vais retenir le fait que c'est une musique quand même qui est très rythmique. Donc, je vais passer un peu sur des percussions. Ça se tient, ça se tient. Voilà. Ça passe. Et donc, on va partir en Inde avec Zakir Hussain. Donc, du tabla, peut-être ? Quelque chose comme ça ? Oui, ou... c'est ça. Avec chant. Pour un morceau qui s'appelle Donan Jahan. C'est parti. दोनों जहान तेरे मोहब्बत में हार के दोनों जहान तेरे मोहब्बत में हार के वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के जहान तेरी मोहब्बत में हार के वीरान है मैं कदा खुमो सागर उदास है कर दिया के दोनों जहान तेरी महबत में हार के. C'était Zakir Hussain avec un morceau qui s'appelle Donon Jahan et qui est très très beau et vraiment merci parce que c'est vrai que c'est pas, j'aurais pas pensé à passer ça dans mes émissions habituelles et vraiment c'est tant mieux que tu sois venu pour, voilà, pour ce morceau et pour les autres. Du coup on est en Inde avec donc du sitar indien et des tablas, les percussions de là-bas. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter sur ce morceau? Non. Mais bah du coup moi ça m'évoque le sitar indien, c'est tout simplement pour moi Ravi Shankar. Alors on aurait pu partir sur les Beatles aussi, sur toute l'influence qu'ils ont eu, ils ont eu une période un peu indienne. On va pas le faire tout de suite, peut-être que je le garde pour plus tard. On va aller directement chez les filles de Ravi Shankar avec un morceau du dernier album d'Anushka Shankar avec, qui s'appelle Traces of You, donc c'est le nom de l'album et c'est le nom de la chanson, où il y a donc les deux filles Shankar. Alors la première, Anushka Shankar, elle est connue des gens qui aiment la musique du monde et le sitar. La deuxième, elle est beaucoup plus connue, elle s'appelle Norah Jones en fait. Norah Jones n'est autre que la fille de Ravi Shankar. Et donc on écoute Traces of You, un duo incroyable entre les deux filles Shankar. Traces of you. Donc c'était Anushka Shankar avec Norah Jones pour Traces of You. Donc on va rester avec Norah Jones maintenant sur une chanson qui s'appelle The Story, qui est tirée d'un film du Hongkongais Wong Kar-wai qui s'appelle My Blueberry Nights. Just how it goes. And now those springs in the air, I don't go out anywhere. I guess it's just how it goes. The stories of all is just how it goes. The story's all have been told before. I guess it's just how it goes. The stories have all been told before. I guess it's just how. Jones en direct de RDB Radio Libertaire. Vous écoutez Zik Actu, votre magazine d'actualité musicale, et ce soir c'est le magazine d'actualité musicale de Mickaël. Moi je fais ce que je peux pour essayer de répondre, mais c'est pas toujours facile. Alors là, tu nous parlais donc d'un film qui s'appelait The Blueberry... My Blueberry Night. My Blueberry Night. Eh bien écoute, puisque tu pars sur la musique de film, moi j'ai envie de vous faire découvrir un compositeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Clint Mansell, qui fait des très belles BO de films. Je pense à un film qui s'appelle The Fountain, un film de Aronofsky. Voilà, pour resituer, tout à l'heure c'était un film de Wong Kar-wai, enfin juste avant c'était un film de Wong Kar-wai qui a fait notamment In the Mood for Love et 2046. Et donc là on part sur un film qui s'appelle The Fountain et le morceau s'appelle Tree of Life, l'arbre de vie, et c'est une des scènes qui m'a le plus marqué dans ce film, que je vous conseille vivement. De Clint Mansell pour une BO d'un film d'Aronofsky qui s'appelle The Fountain et dont le morceau s'appelle Tree of Life. Donc pour la suite, nous restons dans les musiques de films. Étant donné qu'il y a un petit côté glauque dans cette musique, je vais rester dans cet esprit là avec un autre film de Kieslowski, cette fois-ci qui s'appelle La double vie de Véronique, avec qui se passe pendant une très très belle scène de ce film, pendant un concert qui est un concerto en mi mineur. Ça devient une émission de cinéphile quand même. Allez, c'est parti. Thank you. C'était un extrait de la bande originale du film La double vie de Véronique et donc un concerto en mi mineur de Presner. Eh bien écoute, ça n'a pas été facile. Je me rends compte que j'ai quand même pas mal de limites stylistiques et qu'il va falloir que je travaille sur tout ça. Mais du coup, moi j'ai envie de passer de la musique de film à la musique de jeux vidéo. C'est finalement assez proche. Et avec un compositeur français qui s'appelle Olivier de Rivière, que moi j'apprécie beaucoup, qui a travaillé notamment sur des jeux comme Obscure, Alone in the Dark, Assassin's Creed 4 et un jeu français, Remember Me, qui me plaît beaucoup, qui se passe à Paris, un Paris futuriste. C'est une vision de Paris qui est assez impressionnante et une vision du futur qui est assez intéressante. Du coup, je vous fais écouter le thème. Ça m'a un peu évoqué ça. C'est peut-être pas évident, mais en tous les cas, je vous fais donc écouter la bande originale du jeu Remember Me, une bande originale d'Olivier de Rivière. Donc c'était extrait de la bande originale d'un jeu vidéo qui s'appelle Remember Me, composé par Olivier de Rivière. Le thème principal de ce jeu, donc, qui s'appelle Nilin the Memory Hunter. Tout à fait. Donc Nilin, c'est le nom de la personnage, j'allais dire, du personnage principale qui est donc une femme, et The Memory Hunter, ça veut dire la chasseuse de souvenirs. Et donc pour expliquer un peu ce morceau, il faut parler un peu du pitch du jeu. Le principe, c'est que dans le futur, en fait, on va pouvoir s'acheter des souvenirs, en fait, reprendre des souvenirs heureux, les bidouiller, les reconvertir et transformer sa propre mémoire. Et du coup, le compositeur est parti un peu sur ce principe-là. Il est parti d'un orchestre et il a recomposé en fait à partir de fragments de musique d'orchestre en fait, et donc de façon un peu de la même manière que le personnage principal remixe les souvenirs. Et donc voilà, Olivier de Rivière, Mickaël, toi ça te fait penser à quoi exactement? Musique de jeux vidéo? Alors voilà, musique de jeux vidéo, je vais retourner dans les musiques de films. Mais avec grand plaisir. Voilà, c'est facile à retrouver. C'est un peu de l'anti-jeu, mais c'est pas grave. Oui. Et donc, en fait, on va revenir avec un groupe qui s'appelle Madre Deus, un groupe portugais, qu'on a pu entendre une pièce qui s'appelle Inda dans Lisbon Story de Wim Wenders, où c'est l'histoire d'un preneur de son dans ce film qui se balade dans Lisbonne et il tombe sur une répétition de ce groupe-là. Voilà, c'est une scène qui m'a beaucoup marqué. Thank you. presque 21h. Vous êtes sur RDB Radio des Boutières et nous écoutons Madre Deus grâce à Mickaël. L'émission touche à sa fin et on va parler tout doucement pour pas trop vous réveiller parce que Mickaël a beaucoup fait d'efforts pour vous endormir. Du coup, on va pas parler trop fort. Merci beaucoup, Mickaël, d'être venu et pour nous faire découvrir toutes ces musiques auxquelles on n'aurait pas pensé. Merci à toi. Et voilà, j'espère que ce petit ping-pong musical t'a plu et que tu reviendras éventuellement. Avec plaisir. Parce que je suis sûr que t'as encore plein de trucs à nous faire découvrir. Finalement, oh oui. Une heure, c'est un peu court. Il avait ses notes remplies. Il y a des feuilles entières qui sont remplies de morceaux à vous faire écouter. Donc je pense qu'on pourra refaire une autre session. Eh bien, écoutez, il est l'heure de se quitter. Nous allons donc nous quitter en musique avec notre petit générique qu'on aime bien. Et voilà, il est temps de vous souhaiter une bonne soirée. Il est 9h, nous rendons l'antenne. Encore un grand merci à Mickaël pour ce dialogue musical. Merci, bonne soirée. Et voilà, bon retour à Clermont-Ferrand ou ailleurs. Bonnes vacances. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée à l'écoute de RDB et à très bientôt.